deuxième temps de notre série sur l'Égypte ancienne à l'occasion de l'exposition qui ouvre en fin de semaine à la Villette à Paris autour de la figure d'un des pharaons les plus célèbres, Toutankhamon. Aujourd'hui, État, prêtre, administration, scribe et bureaucratie. Hier, nous nous sommes posé la question du découpage chronologique appliqué à l'Égypte antique avec Damien Agut. Demain, c'est de l'espace égyptien et de ses frontières ainsi que des relations avec les voisins dont il sera question. Et aujourd'hui, grâce à des textes qui seront lus pour nous par Olivier Martineau, nous allons nous poser la question de l'administration d'un empire égyptien avec nos deux invités. Frédéric Perraudeau, il est maître de conférence à Sorbonne Université au laboratoire Monde Pharaonique. Il est auteur d'une thèse parue en 2014 aux presses de l'Institut d'archéologie orientale du Caire sous le titre « Administration, société et pouvoir sous la 22e dynastie ». Chloé Ragazzoli est également avec nous. Elle est maîtresse de conférence à Sorbonne Université et membre de la même équipe, Monde Pharaonique. Et sa thèse paraîtra à la rentrée sous le titre « Les artisans du texte, la culture des scribes en Égypte ancienne » aux éditions des Belles Lettres. Et tous les deux, avec Claire Somaglino, qui sera notre invitée demain, publieront en juin chez Armand Collin « L'Égypte pharaonique, histoire, société, culture ». Instruction pour l'installation du directeur de la ville, le vizir de la ville du sud et de la résidence dans le bureau du vizir. Quant à tout acte de ce dignitaire, le vizir, lors de l'audition de cas dans le bureau du vizir, il doit s'asseoir sur la chaise paix et doux, sur l'estrade couverte de rouge, vêtu de son habit, un coussin de cuir dans le dos et un coussin de cuir sous ses pieds, le sceptre à son côté, les grands du conseil des 10 de Haute-Égypte en deux rangs devant lui, le chambellan à sa droite, l'huissier à sa gauche, les scribes du vizir derrière lui. On doit être écouté l'un après l'autre sans permettre qu'un dignitaire de rang inférieur soit entendu avant un dignitaire de rang supérieur. Si néanmoins un dignitaire de rang supérieur dit « Personne d'autre que moi ne doit être entendu », alors il doit être arrêté par les messagers du vizir. C'est à lui qu'on rapporte la fermeture des choses scellées à l'heure. Quand quelque chose qui doit quitter le palais quitte le palais, on le lui rapporte. Quand quelque chose qui doit entrer dans le palais entre dans le palais, on le lui rapporte. Le directeur des policiers, les policiers et les directeurs de district répondent devant lui de leurs affaires. Il doit entrer saluer le Seigneur, vie, santé, force, quotidiennement dans son palais, quand la condition du double pays lui a été rapportée. Il doit entrer dans la grande maison, quand le directeur du trésor se tient en position. Le directeur du trésor doit saluer et faire son rapport comme il suit. Toutes tes affaires sont saines et prospères, le palais est sain et prospère. Alors le vizir doit répondre au directeur du trésor comme il suit. Toutes tes affaires sont saines et prospères. Quand les deux dignitaires se sont fait leur rapport l'un à l'autre, le vizir doit ordonner qu'on ouvre toutes les portes du palais pour faire entrer tout ce qui doit entrer et de même pour ce qui doit sortir. C'est son messager qui fait advenir cela par un message écrit. Bonjour à vous, Chloé Ragazzoli. Bonjour. C'est vous qui avez choisi les textes qui seront lus aujourd'hui par Olivier Martineau dans cette émission d'archives. Et ce texte s'intitule « Les devoirs du vizir ». C'est peut-être un des textes les plus célèbres quand on s'intéresse à la façon dont est gouvernée l'Égypte au moment du Nouvel Empire, au milieu du deuxième millénaire, c'est cela ? Oui, tout à fait. C'est une source extrêmement importante. Toute la question étant de savoir quel statut on donne à cette source, parce qu'on voudrait en faire un code de loi ou un discours formalisé sur ce que devrait être l'État. Et finalement, ce texte vient d'un contexte privé. C'est-à-dire qu'il vient de la tombe des vizirs du tout début de la 18e dynastie. La tombe de Rekhmiré, c'est ça ? De Rekhmiré. Et puis, les vizirs de cette période et de cette famille vont présenter une série de textes qui sortent de ce cycle du vizir dans la partie publique de leur tombe. Non pas pour, à ce moment-là, organiser l'État, mais pour montrer leur statut à leur communauté. et à la postérité. Et dire combien on est important, Frédéric Perraudeau, bonjour. Bonjour. Vous avez fait votre thèse sur l'administration à une période un peu plus tardive que celle-ci, puisque là nous sommes aux alentours de 1500, mais 1451, je crois, c'est à peu près ça pour les devoirs du vizir, quelque chose au milieu de ce 15e siècle qui précède notre ère. Effectivement, quel est le rôle du vizir et pourquoi est-il important dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'administration de ce très grand État qu'était l'État et empire du 15e millénaire avant notre ère? Mais on a souvent présenté le vizir comme une sorte de premier ministre. En fait, le véritable poste, ce serait plutôt chef de l'administration, en fait. Directeur de l'administration centrale. Voilà, c'est plutôt une sorte de ministre de l'Intérieur, finalement. Mais il contrôle aussi une partie de l'économie. Et on voit bien que, dans le texte qui a été lu, il y a un rapport avec le palais royal. Hein, donc il y a un lien étroit entre le palais et le vizir. Et enfin, comme tout chef de l'administration, finalement, il y a un pouvoir judiciaire qui est collé à cette autorité. En fait, hein, on règle à la fois les problèmes administratifs et les litiges qui peuvent y être liés, en fait. Alors, il est toujours un peu délicat pour un historien des périodes plus récentes comme moi de se coller à une histoire comme celle de l'Égypte ancienne, parce que c'est tout un monde qu'il faut faire surgir, et souvent on pratique que par analogie. C'est d'ailleurs souvent comme cela qu'on l'a fait pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'était justement cette administration, cet État. On le racontait hier en tentant de faire des empires, par exemple, pour pouvoir comprendre à quoi ça pouvait ressembler, justement, une dynastie égyptienne ou plusieurs dynasties. Qu'est-ce qui permettrait à nos auditeurs assez rapidement de s'apercevoir ou de comprendre ce qu'était justement cette administration, cet État, aux alentours de 1500 avant notre ère, Frédéric Perraudeau? Mais il faut penser peut-être à une série de fondations en gigogne, dont l'Égypte serait la fondation ultime, l'institution ultime, et à l'intérieur de laquelle on aurait une série de boîtes qui seraient les institutions. D'emboîtement. Voilà, d'emboîtement, avec les départements administratifs, le trésor, les greniers, donc l'administration économique, le palais lui-même, et les départements liés au temple. Et à l'intérieur de chacun de ces départements, eh bien, des sous-départements qui peuvent être délocalisés en région, hein, à savoir qu'il y a un trésor du roi, il y a un trésor du roi dans la ville du sud, et ainsi de suite, hein, dans chaque localité, on peut redescendre comme ça sur toute une hiérarchie administrative. Jusqu'au plus profond du territoire. Voilà. Chloé Ringazzoli, ce moment qui va nous occuper, c'est-à-dire à partir de 1500 avant notre ère, ce qu'on appelle le Nouvel Empire, est un moment un peu particulier parce que c'est un moment d'expansion territoriale très important pour l'Égypte ancienne. Les souverains vont donc conquérir un peu partout aux alentours des territoires, et cela change aussi la nature peut-être de cette administration du territoire, que d'aller conquérir au Levant, d'aller conquérir au sud également des territoires, et donc d'avoir à gérer de nouveaux territoires sous sa coupe, en l'occurrence, Chloé Ragazzoli. Oui, tout à fait. Quelque chose se passe, on change de paradigme. Alors, pour compléter ce que disait Frédéric sur ce système d'emboîtement, si je peux y revenir seconde. Bien effectivement, l'État, jusque-là, en Égypte, est considéré comme un domaine, au sens d'un domaine agricole, mm-hmm. Le père, une unité de production qui comprend des ressources agricoles, des artisans pour les transformer, une petite industrie. Et ce père, effectivement, on le voit dupliqué à tous les niveaux. L'État est considéré comme l'un de ces super domaines, et au sein de ce super domaine, on va trouver des temples qui sont eux-mêmes des grands domaines. Et puis, on peut avoir jusqu'à 10 000 personnes sous sa coupe quand on dirige tout à fait. Un temple. Et puis, au sein du temple, vous allez retrouver, on afferme des terres à une famille mononucléaire qui a son petit domaine. Donc, on est dans quelque chose de très domestique. D'un coup, au Nouvel Empire, il va falloir intégrer dans cette économie quelque chose qui relève plus exactement de cette économie domestique, avec donc une expansion des cadres administratifs et des tensions, et une période de redéfinition un petit peu de l'organisation administrative, de la bureaucratie. Avec en particulier aussi un poids plus important du militaire à ce moment-là, avec l'arrivée de soldats qui existaient déjà auparavant, mais qui sont en plus grand nombre, peut-être que l'on dote mieux et qui vont peut-être être en concurrence avec des autorités administratives civiles ou religieuses qui étaient présentes sur le territoire auparavant, en l'occurrence Chloé Ringazzoni. Tout à fait. Alors on parle, certains de nos collègues spécialistes de la chose militaire parlent d'une militarisation de l'État au Nouvel Empire. Ce qui se passe, alors déjà avant le Nouvel Empire, il n'y avait pas d'armée de métier en Égypte. On levait des soldats comme on allait lever des gens pour aller construire les pyramides. Mmh. C'était exactement le même système, c'était une corvée. Et puis on confiait un chef d'expédition qui pouvait être un vizir, un directeur de nome, de mener l'expédition vers telle ou telle cible. On a une professionnalisation au Donc niveau... Donc on va avoir des généraux... On a des généraux professionnels. Des officiers. Et des gens qui vont tenir leur statut social de la chose militaire. Et de la conquête. Et de la conquête et des richesses qui viennent de la conquête. Donc ils vont occuper dans l'État égyptien une place de plus en plus importante. Et du coup, il y aura un prestige associé à la chose militaire au sommet de la hiérarchie également important. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement, c'est bien un empire qui correspond à cette période-là, en l'occurrence, cette période du Nouvel Empire, parce qu'effectivement, cela a toutes les caractéristiques dans l'expansion, dans la gestion de territoires que l'on colonise, dans les personnes qui interviennent dans cette colonisation. Frédéric Perraudeau, ça a toutes les allures d'un empire, en l'occurrence. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on peut distinguer des différentes stratégies d'exploitation des nouveaux territoires. Hein, l'exploitation de la Nubie, par exemple, du Soudan, ne va pas être du tout la même que celle de la Syrie, de la Syro-Palestine, hein, où on a d'un côté, effectivement, en Nubie, l'installation d'un vice-roi qui est un militaire, hein, qui est un gouverneur militaire, alors que dans le nord, hein, du côté de la Syrie-Palestine, on va avoir plutôt des installations de petites garnisons avec des conseillers militaires auprès des chefs locaux et des rois locaux qui restent en place. Donc c'est quelque chose de très différent et on voit bien que l'État égyptien est capable d'avoir des stratégies différenciées selon les populations à laquelle il a affaire. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprends moi-même en travaillant sur cette série d'émissions, c'est effectivement cette grande variété que l'on a généralement hâtivement peut-être rassemblée sous un schéma un peu moins complexe que ça n'était le cas en l'occurrence. Chloé Ringazzoni, vous avez fait votre thèse qui sera publiée donc à la rentrée, je l'ai dit tout à l'heure, aux belles lettres, autour d'une figure qui change aussi de la société égyptienne et qui est centrale pour la question de l'administration, à savoir la figure du scribe. Pourquoi elle change à ce moment-là? Alors, ce qu'on constate, c'est une place nouvelle dans les sources. On peut dire d'une part, alors c'est vrai, au Nouvel Empire, on a beaucoup plus de sources administratives conservées, mais on se garde toujours de l'effet de source, parce qu'on a des effets de source tout à fait favorables à cette époque-là. Donc effectivement, ça pourrait venir de cet effet de source. L'effet de source, ça veut dire qu'on a plus de documents à certaines périodes qu'à d'autres. Voilà, et parce qu'on a découvert un site particulièrement riche. Donc pour nous, c'est le site de Deir el-Médina, des artisans qui étaient très lettrés, qui construisaient la tombe de Pharaon. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a cette figure de scribe qui, dans les textes, y compris les textes littéraires, prennent le devant des représentations. C'est un acteur de premier ordre. Alors qu'il avait assez peu voix au chapitre. Il était plutôt subalterne auparavant. Alors, il reste subalterne, mais il parle de lui. Et on voit qu'il y a une conscience de corps, d'un monde social, qui se constitue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au, par exemple, dans la littérature, au Moyen-Empire, le personnage principal, c'est le courtisan pour lequel le scribe travaille. Tous les grands textes littéraires du Nouvel Empire, qui est le personnage principal? C'est le scribe. Et on voit à côté de ça, les grands dignitaires, qui mettaient assez peu en avant leurs qualités lettrées, parce que ça relève quand même de savoirs administratifs qu'ils maîtrisent mais qui sont subalternes, qui soudain vont mettre en avant leurs lettres, avec un titre nouveau de scribe royal, qui est un titre de statut, alors que le titre de scribe était en général un titre fonctionnel, scribe de telle ou telle institution, et relève de l'élite intermédiaire. Et donc, vous avez choisi quelques textes que vous avez tirés de votre travail sur votre thèse, en l'occurrence, Chloé Ringazzoni, donc celui-ci, donc de la 19e dynastie, tiré justement de ce site de Deir el-Médina, nous est lu par Olivier Martineau. Sois scribe, de sorte que tu sois préservé des corvées, de sorte que tu sois protégé de tous les travaux, cela t'éloignera de sous la bêche et de leurs bâtons, de sorte que tu ne portes aucun coup fin, de sorte que tu sois exempté de manier la rame, de sorte que tu sois éloigné de sous les tourments, de sorte que tu ne prennes pas place sous des maîtres nombreux, sous des chefs multiples. Mais quant à ceux qui se créent, c'est sur son ordre. Le scribe, c'est leur supérieur. C'est le scribe qui taxe la haute et la basse Égypte. C'est lui qui reçoit leur dû. C'est lui qui rend compte de tout. Toute l'infanterie repose sur ses bras. C'est lui qui conduit les dignitaires dans la présence royale. Chaque homme étant placé à ses pieds, c'est lui qui commande au pays tout entier. Chaque chose étant placée sous son autorité. Deviens scribe. Que tes membres deviennent souples. Que tes mains deviennent délicates. Que tu puisses sortir vêtu de blanc ayant été promu. Que les courtisans te saluent. Que, cherche-t-on un homme excellent, on te trouve. On ignore un petit. C'est celui qui est compétent qu'on reconnaît. Il élèvera son entregent jusqu'à atteindre l'état de dignitaire, étant loué pour son parfait comportement. Voilà un texte qui est tiré de ses fouilles de Der el-Médina, à Thèbes, donc l'éloge de l'état de scribe, tiré du papyrus Chester Beatty 4, que vous avez traduit vous-même, Chloé Ringazzoli. Effectivement, on voit le personnage, disons, plus important qu'on peut l'imaginer. Il est visiblement même présenté comme une supériorité, quelqu'un qui, dans la société égyptienne du Nouvel Empire, a une place très importante. Et ça nous fait penser à cet état d'expert. C'est celui qui est compétent qu'on reconnaît, dont on sait combien cet état d'expert est important dans une bureaucratie moderne qui correspond au 19e ou au 20e siècle chez nous. Alors voilà, là vous mettez le doigt exactement sur le statut de ce scribe qui est un expert, c'est même le mot égyptien, c'est celui qui a un savoir d'expertise, c'est les experts, ce sont comme les professions anglaises, les médecins, les scribes, donc les fonctionnaires, les officiers de carrière, les médecins, et on voit que dans ce texte, le scribe... un mouvement tactique, en fait, de quelqu'un qui n'est pas au sommet, qui n'est pas le chef. Il n'est pas le chef, non. Parce que ça serait un ministre, le chef, mais qui se construit une place, et une place qu'il voit, lui, comme complètement indispensable. Dans la vision habituelle de la hiérarchie sociale des élites de l'Égypte ancienne, c'est une pyramide. Au sommet de la pyramide, il y a le roi. On a un petit triangle de l'élite, enfin de la noblesse. Donc les princes de rang, et puis ensuite l'immense masse des travailleurs qui sont soumis à la corvée, dont le scribe là se place à distance. Et puis les scribes, dans ces massifs de textes et qui est immense hein, dans la littérature conservée du Nouvel Empire, c'est plus de la moitié des textes qui font partie de ces textes sur le statut de scribe, sur la littérature de scribe. Mais ça n'est pas un effet de source justement du fait que ça soit lui qui les écrive d'une certaine façon. C'est le scribe qui écrit ces textes. Mais pourquoi ils se mettent à écrire Autant sur eux. Voilà. C'est ce que vous appelez le prisme du monde social, en l'occurrence, oui. Chloé Ragazzoli. C'est-à-dire qu'on est à un moment où, en reprenant ce terme qui vient de la sociologie du XXe siècle, vous dites qu'il y a une communauté qui se forme et qui donne une image d'elle-même. Voilà. Et donc le scribe va donner une image de soi-même. Et alors là où ils fondent leur identité, c'est de dire, mais nous on est la courroie de transmission. Il y a effectivement la première élite qui donne les ordres. Il y a l'immense masse des travailleurs qui fait le boulot. Enfin, qui travaille, qui a les mains dans le cambouis. Puis entre les deux, il y a nous. Nous, on a les clés de la boutique et on fait le travail en vrai. Et sans nous, eh ben, rien ne fonctionne. Et c'est ça, ces textes où ils disent, tu es toute l'Égypte. Oui, Frédéric Perraudeau, alors justement, quand, vous qui avez travaillé sur l'administration un peu plus tardivement, là on est visiblement, tel que l'a décrit dans sa thèse Chloé Ragazzoli, à un moment de naissance, enfin un moment de surgissement de cette figure du scribe qui vient bousculer peut-être les hiérarchies anciennes à l'intérieur de cette administration de l'Empire et de l'État. Cette administration, elle est complexe, vous nous avez expliqué que ça fonctionnait, ça descendait très bas, il faut beaucoup de temps pour pouvoir comprendre justement les liens entre tous ces personnages qui font l'administration de cet empire. Il faut beaucoup de temps, même les Égyptiens avaient du mal. ils savaient même pas à qui s'adresser, c'est ça. Mais exactement. Régulièrement, on a affaire à des documents qui parlent de litiges où justement, on ne sait pas exactement qui est le responsable de tel ou tel problème et à qui s'adresser. Et les affaires remontent et elles redescendent. Et non, effectivement, l'administration égyptienne était très complexe. Sans doute aussi parce qu'il y avait une part d'adaptation normalement, c'est-à-dire que on voit très bien dans certains textes que certains personnages reçoivent une prérogative à une occasion. Hein, c'est une mais elle n'est pas permanente. Qui n'est pas permanente et qui quelquefois ne va pas du tout correspondre avec le titre pour lequel qu'il porte. Hein, est en charge, comme on dit. On le met en charge pour un donné ou un problème particulier. Voilà. Et il doit résoudre ce problème. Et du coup, ça nous perturbe beaucoup parce que nous, on aime bien mettre les choses dans des cases et que du coup, on ne comprend pas toujours pourquoi un tel intervient dans une affaire où il ne semble pas être le pertinent. Alors on sait, effectivement, quand on travaille sur les bureaucraties, sur la République des bureaux, il y a d'ailleurs une série de débats et de séminaires qui va se dérouler à l'École des Chartes autour de cette question de la République des bureaux, mais à partir du 15e siècle européen, donc d'après de notre ère en l'occurrence. On sait que ce jeu entre les administrations permet aussi à l'administré de jouer sur les tutelles différentes. Est-ce qu'on a des preuves de cela, en l'occurrence Frédéric Perraudeau, ou est-ce que on n'entre pas assez dans on n'a pas assez de documentation pour pouvoir savoir si, par exemple, eh bien, quand on a demandé grâce à telle ou telle administration, eh bien, si on n'a pas eu satisfaction, on va avoir une autre administration pour pouvoir voir si c'est possible de tirer son avantage. J'ai pas forcément d'exemple précis, mais on sait bien que les Égyptiens pouvaient quand même avoir tendance à jouer entre deux autorités différentes, surtout quand il y avait des problèmes politiques. Hein. Lorsqu'au premier millénaire, il y a souvent des guerres civiles, on voit justement des prêtres ou des fonctionnaires de la région de Thèbes, dans le sud, s'adresser aux vainqueurs, et puis lorsque une dizaine d'années plus tard il y a un changement de pouvoir, eh bien les opposants viennent demander la décision opposée. Donc effectivement ils ont pu jouer effectivement sur la rivalité de différentes branches administratives. Oui, Chloé Ragazzoli. Oui, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas d'organigramme fixe, théorique, posé a priori de l'administration égyptienne. C'est extrêmement souple, extrêmement adapté. Et c'est évident que les compétences des différents offices administratifs dépendent en grande partie des réseaux, de leurs détenteurs et des individus. Donc, et que la société égyptienne marchait beaucoup par réseau de patronage. Donc on imagine bien que... Qu'est-ce qu'on appelle un réseau de patronage ? C'est ce qu'on connaît aussi dans l'Empire romain plus tard ? C'est des clientèles, effectivement. Mmh. Comme on est dans un état redistributeur, c'est un état tributaire et c'est même sa raison d'être, hein, c'est-à-dire que une partie de la production est centralisée, puis redistribuée via les grands serviteurs de l'État. L'État s'appuie sur ces grands serviteurs, mais qui sont aussi des grands dignitaires locaux, qui ont une assise dans le pays, etc., qui eux-mêmes tiennent leur pouvoir, leur statut, etc., d'un réseau de clientèle ou d'habitants ou d'autres familles secondaires, mais avec un petit peu d'importance. Et justement, ce clientélisme, puisqu'on reprend le terme qu'on a connu pour Rome, fonctionne comment ? Il y a des dons, des contre-dons, il y a des promotions à l'intérieur de cette clientèle, des gens qui en profitent pour pouvoir avoir une ascension sociale. Est-ce qu'on en sait quelque chose de cela, Chloé Ragazzoli ou Frédéric Perraudeau ? On s'est mal renseigné finalement là-dessus, parce que le clientélisme rentre finalement pas dans le cadre de l'idéologie idéale, hein, du fonctionnaire, et du même coup, on ne connaît les choses qu'un peu en travers. Elle le rentre sous un autre nom, sous le système de la redistribution. C'est-à-dire, oui, quand on confie à... quand l'État l'État délègue à un haut dignitaire la culture, la mise en valeur de telle région en donnant un domaine agricole. C'est une façon de rémunérer ce haut fonctionnaire qui évidemment va devoir une partie de sa récolte à son roi, à l'État. Mais ce propre fonctionnaire va confier les différentes unités de ce domaine aux membres de sa clientèle. C'est un système d'affermage. Donc c'est redistributif et c'est là qu'on a une petite idée du fonctionnement des clientèles et du rôle que jouent ces domaines privé entre guillemets, dans l'approvisionnement et la gestion de la population entre guillemets. Parce que tout est question justement d'éviter les ruptures d'approvisionnement, de faire en sorte que on continue à fournir à la population ce dont elle a besoin, en l'occurrence Frédéric Perraudeau. Tout à fait, l'objectif c'est de joindre les deux bouts de l'année, donc ça a toujours été ça, j'ose dire. Donc effectivement... Avec cette particularité qu'il faut rappeler pour ceux qui ne nous ont pas écoutés hier, effectivement qu'il y a trois saisons en Égypte antique, effectivement, et qu'il faut tenir sur ces trois saisons, en particulier à partir de la saison des récoltes, faire en sorte qu'on tienne jusqu'aux récoltes de l'année suivante. Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est le rôle de l'État, et à chacun de ses échelons, de maintenir à la fois un revenu qui permette de faire fonctionner l'État, et en même temps des réserves pour vivre jusqu'à la fin de l'année. Oui, alors il y a un terme qu'on n'a peut-être pas employé jusqu'ici, mais qui est un concept d'anthropologie emprunté ailleurs qu'en Égypte, mais l'Égypte ancienne est fondamentalement un État tributaire, c'est-à-dire un État territorial qui dispose d'un appareil bureaucratique et administratif dont le but est le contrôle et l'appropriation des ressources économiques et symboliques du territoire qui vont ensuite lui permettre de maintenir son rang, lancer un certain nombre de grands travaux et rémunérer la population. Rémunéré par la redistribution dont vous parliez tout à l'heure, Chloé Ragazzoli. Vous nous présentez la satire du scribe dissipé que vous avez traduit, le papyrus Anastasie IV. Alors, ça fait partie de cette littérature de scribes, littérature faite par des scribes, pour des scribes, sur des scribes, qui est une invention du Nouvel Empire. Ouais. Aux alentours donc de 1500, à partir de 1500. Alors, c'est Ramesside, donc c'est plutôt vers 1300, ouais. 1200. Et ces scribes composent des grands papyrus où ils montrent un peu ce qu'ils savent faire, avec des associations de petits textes qui parlent du métier des bons scribes et des mauvais scribes. Olivier Martineau. À savoir, on m'a dit que tu as abandonné l'écriture, que tu virevoltes au gré de tes plaisirs. Tu vas de porte en porte, et ça pue la bière partout où tu as mis le pied. La bière fait cesser d'être homme, elle fait errer ton âme. Tu es comme un gouvernail tordu sur un bateau, qui ne répond ni à bâbord ni à tribord. Tu es comme un naos privé de son dieu, comme un foyer sans pain. On t'a trouvé faisant le mur, après avoir rompu les entraves. Les gens fuient devant toi, parce que tu leur as mis des coups. Si seulement tu te rendais compte que le vin est une abomination. Tu abjurerais le vin cuit. Tu ne désirerais plus la jarre à bière. Tu oublierais le vin tchénérec. On t'a appris à souffler dans des tuyaux, pour chanter à la flûte ouar, pour parler en psalmodiant à la lyre, pour méloper au netek. Tu es assis dans la rue, entouré de putains. Tu as tiré un coup, assis devant une gamine, tout imprégné d'onguents. Ta couronne de fleurs au cou, tu te tambourines la panse en titubant. Tu tombes sur le ventre, tu te retrouves loin de merde. Voilà un texte qu'on n'attend pas quand on n'est pas comme vous spécialiste de l'Égypte ancienne et en particulier de ses scribes dans l'Égypte ancienne. C'est un texte tiré de Memphis, donc 19e dynastie, aux alentours de 1200 avant notre ère, en l'occurrence Chloé Ragazzoli. Donc c'est une satire, comme on en connaît dans d'autres pays et à d'autres époques, une satire qui montre le scribe dissipé. Alors là, on rentre évidemment dans l'idée d'un monde social qui a conscience de lui-même et qui a ses normes. Et la satire est aussi une façon d'affirmer les normes, puisqu'il y a la norme du bon scribe et on se moque du mauvais scribe, et puis aussi de créer du lien social par la grivoiserie, par la plaisanterie. Et puis le texte, on le sent pas ici, mais il est extrêmement riche d'antiphrases par rapport à des genres nobles. C'est aussi le principe de la satire, mais on entend... Oui, on reprend un genre noble et on le transcrit autrement. Voilà, donc on entend des textes de la piété personnelle, on entend des textes funéraires, donc le scribe montre son talent aussi par ce petit texte. Et il montre son talent, vous le disiez, à d'autres scribes d'une certaine façon. Il l'écrit pour d'autres. Il montre ce qu'il sait faire. Donc c'est aussi un jeu de statut professionnel, social, dans sa communauté professionnelle. Et c'est cela peut-être qu'apportent les dernières décennies de recherche, Frédéric Perraudeau, c'est de rendre compte d'une variété, on le disait tout à l'heure, y compris dans le type d'écriture. On n'est plus simplement dans des textes qu'on appelle hiératiques, mais ça ne veut pas dire hiératique en sens égyptien du terme, mais des textes qui sont... enflés de leur supériorité ou de leur caractère sacré, mais on est dans toute une gamme qui montre une société bien plus riche et bien plus variée qu'on ne pouvait l'imaginer il y a peut-être encore 30 ou 40 ans. Oui, probablement, parce que l'exploration, c'est vraiment le mot de tout un pan de documentation encore largement ou inédit ou très mal étudié, effectivement, permet de mettre à jour cette variété. Je pense qu'effectivement, le développement de la littérature scribale et l'auto-représentation du scribe est vraiment un phénomène très très très très intéressant. Je me demande parfois s'il n'est pas lié justement à ce qu'on a appelé la littéralisation de la société. Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas une réaction par rapport à la place des militaires dans l'État égyptien, notamment la 18e dynastie, où on voit très bien effectivement que les militaires par leur rôle dans la libération du pays. 18e dynastie, on est vers 1500, c'était commencé vers 1539. Et effectivement, les militaires ont joué un grand rôle dans l'installation de cette dynastie qui a libéré le pays et réunifié le pays. Et on voit notamment des militaires dans des secteurs où on les voyait pas beaucoup auparavant, dans l'éducation des princes notamment. Mm-hmm. Il y a tout un groupe de militaires comme ça qui a un rôle tout au près de la famille royale, et effectivement, on devine quand même au Nouvel Empire des sortes de tensions entre les groupes d'élite, qui est assez intéressant. On voit aussi ces militaires intervenir dans l'administration du domaine d'Amon, par exemple. Ils sont souvent nommés en fin de carrière dans l'administration du domaine du temple économique. Donc là aussi, ils en tirent des revenus, ils peuvent y développer des clientèles. Et on voit bien que finalement... probablement des tensions qu'on distingue encore mal, ont pu exister entre ces groupes sociaux. Et une des questions que l'on se pose pour l'Empire romain et qu'on pourrait se poser pour ce nouvel empire égyptien, c'est de la gestion d'un territoire. On parlera demain justement des questions de géographie, mais puisqu'on est autour de l'administration du territoire, comment fait-on pour, avec ces deux Égyptes, la haute et la basse, avec la moyenne entre les deux, comment fait-on pour pouvoir justement tenir, alors que ce que l'on comprend, c'est le mouvement des capitales, les changements d'espace symbolique. Un coup, on va aller s'installer pour la famille royale à Memphis, donc en Basse-Égypte, tout au nord du pays. Un autre moment, on va revenir à Thèbes, il va y avoir des concurrences entre différentes villes. Comment cela tient-il? Je ne sais pas, Frédéric Perraudeau, et puis ensuite Claire Ragazzoli. En fait, bon, d'abord, il y a deux choses. Il y a le fait que la cour soit probablement itinérante. On a une cour qui est itinérante. Comme les cours médiévales avant l'installation très définitive. Probablement. Et du fait du climat égyptien, déjà, qui fait que c'est beaucoup plus intéressant pendant l'été de remonter vers le nord, le sud lui-même étant peut-être plus intéressant l'hiver. Et on a aussi une itinérance qui est liée aux grandes fêtes religieuses, notamment dans le sud. Il y a une série de fêtes, la fête d'Opet, la fête de la vallée, qui permettent la régénération du pouvoir royal, entre autres. Et c'est chaque année ce type de fête. Voilà, qui ont lieu annuellement. Et de ce fait, le roi va se déplacer, la cour se déplace. Et puis, il y a effectivement le déplacement du centre de gravité du pays en fonction des évolutions géopolitiques. En fonction des dynasties, de l'intérêt... Dynastique et géopolitique, oui, effectivement. L'intérêt porté pour le Levant va faire remonter le pouvoir vers le nord, par exemple. Après, il ne faut pas oublier qu'on... On l'oublie souvent dans beaucoup de manuels, mais Memphis est restée la capitale administrative du pays pendant toute la période, hein, pendant les 4000 ans en gros. Ça c'était un fait. Ensuite, effectivement, la résidence du roi, plus ou moins officielle, a pu être déplacée. On voit bien Akhenaton qui, pour des raisons politiques ou religieuses, va déménager et créer sa nouvelle capitale à Amarna. Ramsès II qui se déplace, lui, vers la Méditerranée. Ce déplacement est définitif, hein, dans le sens où, effectivement, par la suite, Tanis, Bubastis, Saïs sont toutes les villes qui font vos spécialités au premier millénaire, voilà, dans le Delta. On est dans le Delta parce qu'il y a la Méditerranée qui s'est développée à partir de l'âge du fer et qui a un nouveau développement à partir de ce moment-là. Oui, parce qu'il y a les Phéniciens qui ont voilà, les Phéniciens, les Grecs, les Grecs, effectivement, les menaces qui sont les Assyriens, qui sont les Perses. Donc, ce déplacement vers le nord est une nouvelle adaptation, en fait, hein. Chloé Ragazzoli. Oui, tout à fait. Frédéric a raison. Et je pense qu'il faut garder en tête qu'on est dans des États traditionnels où la notion même d'État comme unité qui existerait d'elle-même n'existe pas. Donc tout ça est quand même très pragmatique, très fluide, très empirique. De toute façon, les Égyptiens sont comme ça. Donc on n'a pas d'unité de traitement du territoire. Donc avec des zones qui sont très bien connectées, directement exploitées, d'autres qui le sont moins. Et puis on utilise tous les systèmes possibles pour amarrer ce territoire, des morceaux de territoire, au roi qui n'est jamais que la tête cérémonielle. C'est-à-dire la tête cérémonielle, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de pouvoir que cela, le roi ? C'est pas comme, je suis pas en train de dire que c'est le pot de fleurs qui ouais, inaugure. C'est pas le président de la Troisième République. Non, c'est la reine d'Angleterre. C'est qu'il incarne, il incarne par sa seule présence le pouvoir. Mais qui, du coup, n'est pas, il n'y a pas un État qui serait vraiment distinct de ce roi. Frédéric Perraudeau. Oui, c'est ça. En fait, on a parlé d'État patrimonial quelquefois, hein, pour la monarchie égyptienne, où effectivement le roi est le gestionnaire de son propre domaine, hein, qui est en fait le domaine des dieux et qu'il gère pour les dieux parce qu'il est leur héritier. Donc effectivement, c'est une position un peu particulière. Même si effectivement, après, tout dépend de la personnalité du roi. Est-ce qu'il va intervenir beaucoup plus dans les affaires ou se contenter d'inaugurer effectivement les chrysanthèmes? Et à certains moments, ce roi, ce pharaon, va aussi, lors de certaines dynasties, entrer dans le domaine religieux, nommer les membres de sa famille à Thèbes, par exemple, autour du temple d'Amon, par exemple. Est-ce qu'il y a toute cette dimension-là aussi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, on parlait de fluidité, il n'y a pas de séparation entre un domaine civil et un domaine religieux. On est à la fois, donc, puisqu'on est souverain, on peut nommer les membres de sa famille comme prêtres, par exemple, dans les grands temples de la religion égyptienne. Tout à fait, la famille royale a toujours exercé un rôle important. Alors selon les périodes, ça peut varier. À l'ancien empire, on sait très bien que les vizirs sont souvent, au moins la quatrième dynastie, des fils du roi, hein, par exemple. Donc le directeur de l'administration est le fils du roi. Et le fils du roi, ou donc le frère du roi, puisque il peut être le fils du roi précédent. Pour le Moyen Empire, les choses sont beaucoup moins connues. On a l'impression qu'il y a une sorte de mise à l'écart. Et c'est encore le cas à la 18e dynastie, hein, où les fils royaux sont très peu documentés. En revanche, à l'époque ramesside, on voit très bien que. De Ramsès, Ramsès II jusqu'à Ramsès XI, hein, Ramsès Ier jusqu'à Ramsès XI. Eh bien, on a effectivement un changement. Et là, on voit effectivement certains égyptologues, je pense à Benz notamment, avaient parlé de cette tension qui fait que la famille royale, la dynastie, rentre dans un jeu social à nouveau. Et on voit. Ramsès II nommait un de ses fils comme grand prêtre à Memphis, un autre comme grand prêtre à Héliopolis. Les autres rois ramessides, hein, vont faire la même chose. Et puis plus tard, pour encore mieux contrôler un territoire qui comment dire, menacé par les forces centrifuges, eh bien, on va avoir une politique qu'on a. On a appelé la politique d'apanage, où le roi va nommer effectivement son fils comme à la fois grand prêtre et général en chef dans certaines régions pour mieux contrôler l'ensemble du territoire. Alors, vous avez choisi une lettre du général Pianck, je ne sais pas comment on prononce cela, Pianck, c'est ça ? Chloé Ragazzoli, que vous avez traduit vous-même au scribe responsable de Deir el-Medina. Nous sommes aux environs de l'an 1000 avant notre ère. Vous nous présentez ce général et pourquoi il écrit justement au scribe responsable de Deir el-Medina ce site où on a trouvé tellement de documents qui vous permettent de travailler. Alors là, je crois que je vais laisser passer la main à mon collègue dont c'est la marotte. Frédéric Perraudot. Un personnage haut en couleur qui, effectivement, est chef de l'armée sous Ramsès XI à une époque où il y a une guerre civile. Et on a tout un dossier qu'on appelle les lettres ramessides, hein, qui concerne sa correspondance entre lui et son épouse et des femmes de son entourage qui sont en poste à Luxor, hein, dans le clergé féminin. Et puis ses subordonnés, les scribes de la tombe, qui sont à Deir el-Médineh, dans ce village d'artisans de la tombe royale. Et il va faire une expédition dans le sud. Et effectivement, pour chasser le vice-roi de Nubie qui s'était révolté, donc il y a une véritable guerre civile. Et on voit bien que bon, cette guerre civile, il la mène plus ou moins pour son propre compte à un moment donné, en s'écartant un petit peu de ce qu'on attendrait d'un général bien aux ordres. Il devient donc une sorte de chef de guerre. Voici ce qu'il écrit donc au scribe responsable de Deir el-Médineh, donc au moment de 1070 environ, avant notre ère. J'ai pris connaissance de toutes les affaires au sujet desquelles tu m'as écrit. Le message que tu envoies, à savoir, j'ai mené à bien toutes les missions et tous les ordres de mon maître, qui m'étaient confiés, et je ne lambine pas, as-tu dit. C'est excellent, ce que tu as fait. Tu le feras régulièrement de même. Dès que ma lettre t'atteindra, tu mèneras à bien toutes les missions et tous les ordres qui viennent de moi et qui te sont confiés, et tu les feras. Ne me laisse pas te trouver en faute. Il faut le regard et l'analyse d'une égyptologue comme vous pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire, en l'occurrence ce général Pillon qui a ce scribe de responsable de Deir el-Médineh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh ben, on ne sait pas. Elle est formidable, cette lettre. C'est un roman d'espionnage. Oui, c'est ça. C'est une note blanche de l'Élysée. Tu feras ce que nous avons dit toi, que tu devais sais, faire. Moi, je sais. Et c'est OK. Et par contre, on sait quand même par les sources que bon, bah, on allait chercher du métal pour faire des armes, y compris visiblement en pillant les tombes des anciens rois pour les dépouiller du métal, que on se débarrassait des témoins ou gênant. Des acteurs gênants. Donc voilà, c'est pas, il s'agit pas d'aller livrer un bouquet de fleurs à sa belle-mère. Frédéric Perraudot. Oui, effectivement, là, on a affaire à un dossier exceptionnel où on voit très bien les pratiques extrêmes utilisées par Pillon, qui fait noyer des policiers, qui effectivement organise le pillage du tombe royal. Il dit tu choisiras la plus belle et tu dégages l'entrée, mais tu attends que j'arrive pour l'ouvrir. Donc ça veut dire qu'on n'a pas peur, il n'y a pas de dimension sacrale au tombe en question, ou il y a une dimension sacrale tout de même. À l'issue de cette guerre civile, effectivement, on a quand même l'impression qu'il y a l'image sacrée qui est liée aux tombes et aussi qui est liée au pharaon est un peu écornée. Il y a une lettre aussi où Pillon parle à son scribe et lui dit lui dit Pharaon ne viendra pas ici, ou en gros hein, comment viendrait-il ici, et d'ailleurs de qui Pharaon est-il encore le maître. Ah oui, donc c'est carrément on ne se sent plus voilà. En fait, il est possible que Pillon ne soit pas égyptien et qu'il soit d'origine libyenne, parce qu'à l'issue de guerres, de tentatives d'invasion libyenne sous Ramsès III et Ramsès VI probablement, eh bien les militaires, les Libyens ont été intégrés à l'armée en fait, et peut-être qu'ils sont à ce moment-là en train de prendre le pouvoir un petit peu. Il y a d'ailleurs une dynastie un peu plus tard qui sera dite libyenne justement parce qu'elle vient justement de ce côté-là, et cette dynastie sera très importante pour la refondation de l'Égypte au premier millénaire. Vous en êtes spécialiste en l'occurrence. Oui, en partie en fait. Perraudot. Pillon d'ailleurs va être l'ancêtre des rois de la 21e dynastie, hein, des grands prêtres et des rois de la 21e dynastie, mais on passe à quelque chose de très différent. Il y a une phase de grande instabilité, de grande insécurité pour l'Égypte aux alentours de 1070 jusqu'à vers 950, et l'État égyptien va passer par une phase de théocratie. C'est une nouvelle façon de gérer le pays encore, hein, une théocratie où le véritable roi c'est le dieu Amon, et le pharaon ne va être que le serviteur du dieu, le grand prêtre du dieu. Et donc tous les petits départements dont on parlait tout à l'heure, hein, toutes ces boîtes vont se ranger sous la case dieu Amon. Et c'est une manière d'adapter encore le système. Hein. Et lorsque les Libyens vont vraiment être au pouvoir à partir de 950, alors Alors, ces Libyens sont égyptianisés largement, en fait. Hein. C'est quand même un résultat des recherches récentes. C'est qu'ils sont très égyptianisés. C'est pour ça que quand on appelle ça les dynasties libyennes, on met des guillemets. On voit pas ça à la radio, mais il y a des guillemets. Et effectivement, une dynastie libyenne qui va développer des stratégies, justement, d'apanage pour gouverner le pays d'une nouvelle façon. Chloé Ragazzoli, c'est tout à fait passionnant le travail que vous avez mené, qui sortira donc au mois de septembre prochain en belles lettres autour de ces scribes que vous avez réanalysés justement dans leur façon d'être à partir de ce nouvel empire. J'ai été étonné de voir que on pouvait monter très haut dans la hiérarchie. J'ai lu qu'un certain scribe qui s'appelait Amenhotep, qui porte le même nom d'ailleurs que certains pharaons, serait arrivé au sommet de la hiérarchie pour devenir chef de tous les travaux du roi à un moment, et qu'il a même eu droit à ce qu'on lui construise son temple dédié à son propre culte. Ça veut donc dire, quand on parle de mobilité sociale, c'est un exemple de mobilité sociale dans cette Égypte antique, que cette personne qui visiblement est native du Delta, qui gravit des échelons, mais qui vient de très bas dans la société, pour devenir avoir son temple à son propre nom. Alors, bon, le cas d'Amenhotep est évidemment quasi unique. Oui, alors c'est ascension sociale de l'élite secondaire à la première élite qui a accès au roi. Visiblement, c'est possible. Alors, on passe pas du bas au haut. On voit qu'on passe d'un rang intermédiaire à un petit peu mieux. Et puis, bon, ces personnages ont une tendance, hein, c'est de mettre en avant leur mérite personnel, mais assez peu, on y revient, leur réseau. Et on sait que très souvent, ces promotions... Ces réseaux sont des réseaux régionaux qui viennent de la régionaux ville dans et laquelle... familiaux. Familiaux, c'est ça. Voilà. Sur lequel le roi peut souhaiter s'appuyer. Et en général, la promotion d'un personnage s'appuie ou vient avec une sorte d'alliance avec familiale, un groupe. Avec un groupe. De la même façon, quand on se marie qu'une princesse qui ne fait pas partie du groupe royal, mais qui vient d'Abydos ou d'une autre région de l'Égypte. Donc, on voit bien cette fluidité dont vous parliez tout à l'heure, Chloé Ragazzoli, c'est-à-dire que quand on gratte sous le vernis de ce que l'on croit savoir sur cette Égypte ancienne, et quand on vous lit, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des temporalités qui sont très différentes, des influences très différentes selon que l'Empire est en expansion ou qu'il est au contraire en régression, que l'on est agressé par d'autres. Tout cela change les rapports, même si d'extérieur la structure peut sembler semblable, il y a beaucoup de changements. Tout à fait. Il y a beaucoup de changements, c'est très souple. Et puis on est dans une société, et là on revient au premier texte qui a été lu, qui reste quand même une société traditionnelle, hein, dit sans aucun jugement de valeur, mais où la place du rite est importante. Par exemple, les devoirs du vizir qu'on a lu tout à l'heure, on le voudrait comme une sorte de formalisation, d'effort de formalisation de l'administration égyptienne. Un effort de formalisation de l'administration égyptienne, ça serait de nous dire, tous les personnages qu'on voit, quel est leur champ de compétences, et surtout, dans telle et telle situation, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, là, on nous dit rien. On nous dit, c'est une mise en scène, c'est la performance d'un rite, et la conclusion de tout ça, c'est que si on fait tout ça en mettant bien les personnes au bon endroit, en disant les bonnes choses, qui sont toujours les mêmes, alors ce sera bien. Et c'est même l'accomplissement de ce rite, on peut se poser la question, c'est probablement aussi ça, l'accomplissement de ce rite, qui a géré l'affaire. Oui, c'est une question qu'a abordée, par exemple, à propos de la Rome antique, John Shine, dans ses cours au Collège de France, quand il évoque la question d'une religion de la pratique. Donc, il faut... on ne sait pas si les gens croient véritablement à ce à quoi ils croient, mais en tout cas, il est important de bien faire le rite pour pouvoir mettre le monde en ordre. C'est cela que Frédéric Perraudeau. Tout à fait. D'ailleurs, cette idée de mise en ordre du monde, elle touche aussi à l'administration. On a, dans ce qu'on appelle le nomasticon d'Amenemope, une liste, justement, de réalia, de choses, mais aussi de personnages. Alors, ça commence par les dieux, ensuite il y a les rois. Et le roi, l'épouse royale, les fils royaux, et tous les personnages de la cour, puis les fonctionnaires sont nommés les uns après les autres. autres, hein, enfin sont cités par leur titre, hein, les uns après les autres. Et on a des versions plus tardives où on a des gloses, des explications, et on voit par exemple que le vizir, donc le premier ministre, est comparé à Thoth, qui est le vizir, le dieu vizir de Ré. Donc toute l'administration égyptienne va être rapportée à l'administration du dieu de la cour soleil, du soleil, qui est le fondateur de l'État égyptien. Normalement, le dieu soleil, c'est le créateur du monde et le créateur de l'État. Hein, les deux se confondent de toute façon. Donc on va rapporter ça au mythe. Hein. Il y a toujours un dialogue permanent entre la réalité et le mythe. Hein, et du coup, nous, c'est pas quelque chose auquel on est habitué évidemment, mais pour les Égyptiens, c'est très important. Chloé Ragazzoli, un dernier mot justement sur ce point-là. Ben, on voit que du coup, la pratique du pouvoir est une pratique administrative et aussi rituelle. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission donc pour évoquer ces questions d'administration, de l'État. Était-ce un État? Était-ce autre chose? De cette bureaucratie égyptienne à la période du Nouvel Empire. On ne peut que conseiller à nos auditeurs de vous lire, Frédéric Perraudeau, pour le livre issu de votre thèse autour de la 22e dynastie. Donc c'est aux presses de l'Institut français du Caire. Et puis, pour votre part, on attendra le mois de septembre pour vous lire, Chloé Ragazzoli. Votre thèse s'intitule « Les artisans du texte, la culture des scribes en Égypte ancienne ». C'est dans la collection, l'excellente collection « L'âne d'or aux belles lettres » à partir du mois de septembre. Vous vouliez peut-être nous parler de ce colloque que vous allez co-organiser, en l'occurrence, qui s'intitule « Clamant from the past », en l'occurrence, Chloé Ragazzoli. Alors, on organise dans le cadre d'un grand programme sur l'écriture qui s'interroge sur le statut social et symbolique de l'écriture en Égypte ancienne, un colloque sur les graffitis, c'est-à-dire les inscriptions secondaires dans le paysage et les bâtiments en Égypte ancienne, pour faire un petit peu le point sur les différentes études et surveys de terrain qui ont lieu actuellement, et de voir comment les gens s'approprient des espaces, redéfinissent des espaces ou construisent leur identité dans ce type d'interaction. Merci donc à tous les deux. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Guilain Meige nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et un grand merci à Olivier Martineau qui a lu pour nous les textes de cette émission d'archives. Demain, nous nous interrogerons sur les dimensions du territoire de cet empire ou de ces empires égyptiens et les relations avec les voisins. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez bien évidemment déjà écouter ou réécouter l'émission sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, pour réagir, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC.